Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui monsieur Clément Corbia. Salut Sofiane. Salut Clément et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah bah merci à toi surtout. Avec plaisir. Donc dis-nous tout, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, donc moi je faisais partie d'un duo qui s'appelait Les Deux Mecs Là-Bas. Et on est parti vivre à Paris et on a essayé. Le premier conseil qu'on nous a donné, c'est genre ouais, faites toutes les scènes que vous pouvez faire, vraiment, il faut continuer à vraiment jouer. Donc moi, bah, tous les jours, j'essaie de chercher des scènes et tout. Et un jour, je tombe sur un truc, c'était soirée en boîte de nuit. Ouais. On recherche des humoristes. Tu sens le truc venir. Déjà, ouais, boîte de nuit, ouais. ça sent la galère. On recherche des humoristes et tout ça. Donc, bon, bah, moi, j'envoie le truc et tout. Je fais, est-ce que tu veux voir une vidéo? Le gars, il fait, non, je vous fais confiance, pas de soucis. En plus, ils veulent pas voir de vidéo. C'est genre, t'inquiète pas, on a besoin de chair à canon. Ouais, c'est ça. Donc, j'y vais. Et là, c'était une boîte de nuit, mais déjà désinfectée, quoi. Désaffecté, pas désinfecté, justement, ça aurait été bien. Et en fait, on est arrivé genre à 22h30, tout était éteint. Et là, je te jure que c'est vrai, j'arrive, il y avait trois types assis sur un canapé. Ils étaient en train de regarder un match de foot, c'était pendant la Coupe du Monde. C'était l'Algérie qui jouait, je crois que c'était Algérie-Angleterre, un truc comme ça. Ouais. Donc je fais, mais la soirée commence bientôt. Non, regarde le match d'abord. Et donc j'ai regardé le match avec eux. On a regardé le match et là, je voyais, il n'y a pas de public qui arrivait et tout, il n'y avait que nous. Ouais. Et en fait, de ce que j'ai compris, ça on ne nous l'avait pas dit avant, c'était une soirée organisée par des rappeurs du coin. Ouais. Et ils venaient un petit peu se montrer leur nouveau texte et tout ça. D'accord. C'était une soirée échange et tout. Et ils voulaient des stand-uppers pour puncher, pour faire de la vanne et tout ça. Ah, pour les vanner un peu, quoi. Sauf que moi, à l'époque, j'avais un duo, du coup, que tu connais, Les Deux Mecs Là-Bas, ouais, où on était. C'était de l'humour absurde. C'était de l'humour absurde à personnage. Ouais, bien sûr. Et du coup, pas du tout dans ce truc-là. Donc, on leur fait un sketch qui s'appelait Augustin, où je faisais un enfant qui se fait maltraiter. Il était génial, ça. C'est gentil. Et du coup, bon, c'était pas du tout l'ambiance, quoi. Donc, on fait ça. On finit le sketch où l'enfant se prend un coup de poing dans la gueule. Et ça finit par Francis qui dit « Moi, la maltraitance, ça me dégoûte. » Le sketch se finit. Ouais. Et là, à ce moment-là, il y a une ambiance, mais genre, il n'y a pas un rire, il n'y a pas un commentaire. Et là, la boulette, le truc qu'il ne fallait pas faire, il y a mon binôme, donc Francis, il s'appelle Francis. Il commence à parler, je le regarde. Il commence à dire « Si vous voulez... » On peut vous faire un autre sketch. Oh non. Et là, je te jure, il y a un mec qui se lève. Ils étaient tous assis. Il y a un mec qui se lève, un grand baraque et costaud. Il nous regarde, il fait « Non !» Ah ouais, d'accord. Ça aurait pu mal finir, cette histoire. Et du coup, on est parti comme ça. Et là, il y a deux types qui sont venus nous voir en disant « Ouais, franchement, c'était vraiment trop bien et tout. » Et genre, j'ai senti que même eux, ils n'avaient pas osé rigoler. Ouais, mais c'est ça. Quand il y a des gens, malheureusement, qui tombent dans une ambiance un petit peu froide, ouais, et qu'eux trouvent ça bien, ils n'osent pas se démarquer de la foule. Exactement. Surtout que là, les rappeurs là, qui venaient, tout ça, ils n'avaient pas trop le profil du public. Ils avaient limite le profil des maltraitants du gamin. Exactement. Ceux qui auraient pu maltraiter Augustin. Là, ouais. Oh, punaise. Mais bon, c'est, quand j'y repense, c'était un souvenir marrant. C'était marrant, quoi. C'est marrant. Avec le grand rappeur qui se lève et qui fait « Non !» Ah, c'est bon, ça. Ouais, voilà. Oh là là. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. Tu avais une autre anecdote ? Ouais, quand pareil avec mon duo, quand on jouait notre spectacle qui s'appelait Tournée d'adieu, parce que c'était notre tout premier spectacle. D'accord. Et en fait, titre prémonitoire maintenant. Exactement. Parce que maintenant le duo est séparé. Le duo n'existe plus. Le duo est dissous. Mais tu vas voir qu'en quelques années, on va sortir les grands retours. Personne nous attend. Non. Et donc du coup, on a joué notre spectacle et il y avait pas beaucoup de gens dans la salle. Et je sais pas, il y avait peut-être genre 10 personnes, quoi. Et, ouais. Et au premier rang, il y avait une femme qui, déjà, elle était distraite, elle bavardait un peu et tout, elle était avec un mec. Et au bout d'un moment, il y a son téléphone qui sonne. Et là, mais genre hyper bruyant, la sonnerie. Une sonnerie. Elle l'a pas mis en vibreur, en silencieux. Et là, donc nous, on était en train de jouer notre sketch. Donc pareil, on n'était pas dans du stand-up et tout. Donc, mais on n'est pas intervenu. Ouais, on reste sortir. Dans notre... Voilà, nous, c'est quatrième mur comme ouais, au théâtre. Voilà, ouais. Et du coup, on continue notre truc et tout. Discrètement, on lui jette un regard, mais on continue. Et là, au lieu de... On s'est dit, bon, elle va éteindre, tant pis, ça peut arriver à tout le monde et tout ça. Non, elle attrape le téléphone. Elle appuie sur décrocher, elle fait « Allô ?» Ouais. Non, mais non, non, tu me déranges pas, je suis au théâtre là. Oh là là là là là là. Et faut là, vraiment, du coup... faut vraiment avoir des gaufres un peu. Ah ouais, ouais, ouais. Oh. Et là, du coup, bah, on a été obligé de sortir du sketch et de lui demander de raccrocher, ce qu'elle a fait. Et on lui a dit, madame, depuis tout à l'heure, on voit que ça vous plaît pas, vous décrochez pas un sourire. Vous décrochez au téléphone, mais vous décrochez pas un sourire. Je lui dis, si vraiment ça vous embête, vous avez le droit de sortir. Et là, elle nous fait, ah non, non, j'adore. Ah oui, bien sûr. J'adore. Je lui dis, non, madame, vous mentez pas à vous-même, vous adorez pas. Oh. Et du coup, bah, elle est sortie. Et là, je te jure, ça a décoincé tout le monde. Les autres personnes du public, en fait. Parce qu'il y a un danger. Ça les a soulagés. Mais il y a un danger, des fois. Quand tu vires quelqu'un, même s'il dérangeait tout le monde, il y a les gens, des fois, qui sont pris de compassion pour lui et qui se mettent à être froid derrière. Mais là, on l'a pas viré, tu vois. On lui a laissé la possibilité de sortir si elle voulait sortir parce qu'on sentait qu'elle n'était pas bien. Qu'elle n'était pas à sa place. Mais c'est ça, tu vois, c'est un peu ça la solution. Tu sais, je veux dire, de ne pas forcer les gens à partir. Exactement. Tu vois, Marine Le Pen devrait s'en inspirer. Chers étrangers, vous pouvez. Vous avez le droit de rentrer. Vous avez la chez possibilité vous. De repartir dans votre pays. Ça passerait peut-être mieux. Et tu vois, nous, on est dans la contradiction là. Tu sais, genre, rentrez chez vous, on reste là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et du coup ça les a décoincés, le reste du public qui est resté. D'accord. Et on a refait ce sketch là qu'on avait coupé du coup. On a même dit aux gens, est-ce que vous voulez qu'on le reprenne au début parce et que ils ont dit oui. Ils ont dit oui, donc on a refait le sketch. Et après il restait pas beaucoup de sketch, donc on a ça fait va, le spectacle. Il y avait quand même une belle cohésion. Ouais, quoi. Et franchement après ça a été un beau spectacle. D'accord. Et moi je n'en veux pas à cette dame, mais au moins qu'elle soit honnête avec elle-même si ça lui plaît pas. Après c'est pas grave. Non, tu sais, si elle avait pas décroché un sourire, ça c'est important ça. Si elle avait pas décroché un sourire, si elle avait pas eu une seule réaction, qui avait pas eu l'histoire du téléphone, et qu'elle vous avait dit bah non j'adore. Oui. Là j'aurais pu te dire vous avez trop jugé sur les apparences. Ouais, elle a peut-être réellement adoré. C'est possible. Parce qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. Ouais, c'est vrai. Moi j'avais lu l'histoire. Alors je sais plus. Je crois pas que j'en ai parlé dans le podcast, mais au cas où, je suis vraiment désolé si je me répète. J'avais lu, je me rappelle plus, une stand-upeuse américaine qui racontait qu'en fait dans son spectacle elle a vu toute la salle éclater de rire sauf un mec, un vieux monsieur, et elle est restée concentrée sur lui, et c'est ce qu'on a tous tendance à faire, voir si on va réussir à débloquer la personne et tout. Pendant tout le spectacle le mec décroche pas un sourire, il vient la voir à la fin, elle se dit laisse tomber, il a détesté, il va me fusiller, tu vois, et il vient la voir, il lui fait merci, il lui fait j'étais pas sorti depuis le décès de ma femme, et ce soir vous m'avez fait du bien. Tu vois, genre, vous m'avez vraiment permis de passer un bon moment. Et le mec, c'est pour ça qu'il n'a pas rigolé ni rien, parce qu'il était en mode deuil, quoi. Et que ça lui a fait du bien intérieurement. Et puis même sans parler de deuil, il y a des gens qui vont venir voir un spectacle, qui ne vont pas décrocher un sourire, mais qui vont adorer, parce qu'ils ont le rire intérieur. Exactement, exactement. Le tout, c'est de leur faire passer un bon moment. Il ne faut pas juger, effectivement, que sur ce truc-là. C'est ça. Si tu fais genre un spectacle dramatique, ouais, tu ne vas pas juger les gens en disant « t'as pas pleuré, t'as pas pleuré, toi, t'as pas pleuré, t'as pas aimé. » C'est ça, c'est ça. Moi, je pense que le Graal, c'est quand vraiment tu chopes quelqu'un qui te dit, par exemple, ouais, j'ai pas, moi, je ris pas beaucoup, t'inquiète pas. Tu sais, tu vois qu'elle rit pas beaucoup, la personne, et t'arrives à la décoincer. Ouais, tu la vois éclater de rire. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'était une amie et tout qui est venue me voir, qui m'a prévenu avant. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je ne ris pas, je ris intérieurement. Oui, les gens, limite, ils s'excusent à l'avance. Mais c'était ça. Et moi, je l'ai pas mal pris du tout, au contraire. Et pendant tout le spectacle, je la guettais et je l'ai vue éclater de rire à un moment. J'ai fait yes, yes, bébé. Tu vois, c'était la petite victoire, quoi. Ah, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien à l'ego dans ces cas-là, tu vois. Clair. Mais bon, en tout cas, là, cette dame-là, en l'occurrence, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le côté téléphone qui me gêne. Ouais. Elle décroche au téléphone. Non, tu me déranges pas. Ouais, non, je suis au théâtre là. Tranquille. Oh, punaise. Oh, je passe une bonne soirée. Je te raconterai. Oh là là là. Mais tu sais que, alors je sais plus si c'est pas arrivé ça, c'est que quelqu'un a décroché son téléphone à un moment et l'humoriste sur scène, alors je sais plus du tout qui c'est ou quoi, mais genre il a regardé l'humoriste, il lui a fait s'il te plaît, tu peux parler un peu moins fort. c'est balèze quand même. Genre j'arrive pas à entendre ce qu'on me dit au téléphone. Ah putain. Oh là là. Enfin bref, bah, en tout cas il nous en arrivera d'autres. Ouais, donc où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver là, dans quelques mois, je reprends mon spectacle Columbus, c'est un spectacle comique que j'ai écrit. D'accord. Donc vous pouvez retrouver les informations sur la page Facebook La Troupe Secrète, c'est le nom de ma compagnie. La Troupe Secrète. Voilà. Donc sur Facebook uniquement? Pour l'instant que sur Facebook, mais je suis en train de créer un 3615 La Troupe Secrète sur Minitel. On invite tous nos vieux auditeurs cette vanne que plus personne comprend, tu sais. Ah mais ça y est, là c'est redevenu genre, limite à la mode maintenant, quoi, tu vois. Je serais même pas étonné de voir le Minitel revenir. Tu sais, t'as plus le droit d'en avoir un. Ah bon? Il fallait tous les rendre parce que ça appartient, je crois, à la Poste. Oui. Et il y a deux ans, il fallait tous les rendre. D'accord. Donc, cher auditeur, si vous avez un Minitel chez vous, vous êtes hors la loi. Faut le rendre. Exactement. Et ce serait bête d'aller en prison. Pour un mini-tête. Juste pour ça, c'est clair. 36-15 code prison. Ah, ça peut être pas mal, ça. Oui, hein, je vais choisir ma cellule. Côté barreau ou côté fenêtre. Tu vois, c'est. Voilà, tu choisis ton camp. Il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire si vous êtes sur iTunes. Et me suggérer de nouveaux noms pour des prochains épisodes, hein, de nouveaux noms d'humoristes qui pourraient se prêter à cet exercice. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir écouté, bis à tous, même à toi là-bas.